Chapitre 7e. Depuis qu'elle était rentrée dans les bonnes grâces de Miss Hatchard, Charity n'avait pas osé retrancher une seule minute des heures qu'elle devait donner à la bibliothèque. Elle se faisait même un point d'honneur d'être en avance et montrait une louable indignation quand Mamie Targat, prise comme aide pour le nettoyage et le rangement des livres, arrivait en retard, d'un pas traînant, et négligeait sa tâche pour guetter par la fenêtre le jeune Bill Solas. Néanmoins, les jours de bibliothèque lui semblaient plus que jamais ennuyeux, surtout après ces heures de liberté si vivantes. Elle s'avouait qu'il aurait été difficile de donner le bon exemple à sa subordonnée si Lucius Harnain avait reçu mission, avant le départ de Miss Hatchard, d'étudier avec l'entrepreneur du village le meilleur moyen d'aérer le mémorial. Lui avait soin de ne s'occuper de ses travaux qu'au jour où la bibliothèque était ouverte au public, si bien que Charity était sûre de passer une partie de l'après-midi en sa société. La présence de Mamie Targat et le risque d'être interrompue par quelques passants pris subitement d'une soif de lecture réduisaient leur conversation à un échange de lieux communs. Mais le contraste entre ces politesses faites en public et leur intimité secrète avait un charme de plus pour la jeune fille. Le jour qui suivit leur promenade à la Maison Brune était un jour de bibliothèque. Charity, assise à son bureau, travaillait à la réfection du catalogue et Mamie Targat, les yeux tournés du côté de la fenêtre, répétait en chantonnant les titres d'une pile de livres. La pensée de Charity vagabondait au loin, vers la maison sinistre située au bord du marais. Elle revivait, dans sa pensée, cette longue course du retour, au crépuscule, quand Lucius Harnain l'avait si tendrement consolée. Ce jour-là, pour la première fois depuis qu'il prenait pension à la Maison Rouge, il n'avait pas paru au repas de midi, et aucun message n'était venu expliquer son absence. Mr. Royal, plus taciturne que d'habitude, n'avait manifesté aucune surprise et n'avait fait aucune remarque. Cette indifférence n'avait en soi rien de particulier, car Mr. Royal, comme la plupart de ses concitoyens, avait une façon passive d'accepter les événements. Il paraissait être arrivé depuis longtemps à cette conclusion que des gens aussi obscurs que les habitants de North Dormer ne pouvaient jamais espérer de modifier aucun événement. Mais pour Charity, encore tout entière sous l'influence de son exaltation passionnée, ce silence avait quelque chose d'inquiétant. On eût dit que Lucius Harnain n'avait jamais eu la moindre part à leur existence. L'imperturbable indifférence de Mr. Royal semblait le reléguer dans le domaine de l'irréel. Elle essaya de se plonger dans son travail, d'échapper aux soucis que lui causait l'absence de Harnain. Quelque incident sans importance l'avait sans doute empêché de le rejoindre pour le repas de midi, mais elle était si sûre qu'il n'en serait que plus empressé de la revoir et qu'il n'attendrait pas jusqu'au dîner, où il ne le reverrait qu'en compagnie de Mr. Royal et de Verena. Elle se demandait quelles seraient ses premières paroles et cherchait en même temps par quel moyen elle pourrait se débarrasser de la jeune Targat lorsqu'elle entendit un bruit de pas et vit entrer le jeune homme avec Mr. Miles. Le pasteur de Hepburn venait rarement à North Dormer, sauf au jour où il devait officier dans la vieille église blanche qui, par un rare hasard dans ce pays de petites sectes, appartenait à la vieille commune épiscopalienne. C'était un homme affable et vif, très désireux de profiter le plus possible du petit noyau de fidèles qui avait survécu en plein milieu sectaire et résolu à combattre l'influence de la chapelle baptiste érigée à l'autre extrémité du village. Mais il était trop pris par son service paroissial à Hepburn, gros bourg industriel plein de débits d'alcool, et il ne trouvait que rarement le temps de venir à North Dormer. Charity, paroissienne de l'église blanche, comme tous les gens comme il faut de North Dormer, admirait beaucoup Mr. Miles. Pendant la mémorable excursion de Nettleton, elle avait même fait le rêve de se marier avec un monsieur ayant des traits aussi réguliers et une aussi belle façon de s'exprimer et qui habiterait, comme Mr. Miles, un presbytère bâti en pierre de taille et tout couvert de vignes vierges. Elle avait été douloureusement surprise en découvrant qu'un tel privilège appartenait déjà à une dame blonde au bandeau frisé et pourvue d'un gros bébé. L'arrivée de Lucius Harnain avait depuis longtemps banni Mr. Miles des rêves de Charity, et comme elle le regardait venir aux côtés de Harnain, elle se rendit compte soudain de ce qu'il était réellement. Un homme assez mûr, assez corpulent, avec une calvitie naissante, que ne recouvrait qu'à demi son chapeau d'ecclésiastique et un nez grec chevauché d'une paire de lunettes. Elle se demanda la raison de sa présence à North Dormer un jour de semaine et se sentit un peu déçue que Harnain l'amenât avec lui à la bibliothèque au lieu de s'y rendre seule. Il apparut bientôt que Mr. Miles était à North Dormer sur la prière de Miss Hatchard. Il avait passé quelques jours à Springfield, où il était allé prêcher à la place d'un pasteur de ses amis, et la vieille fille avait profité de l'occasion pour le consulter sur les projets d'aération du mémorial. Porter la main sur l'arche sainte des Hatchard était une chose grave, et la bonne demoiselle, toujours pleine de scrupules, et comme disait son cousin, de scrupules au sujet de ses scrupules, était fort aise d'avoir l'opinion de Mr. Miles avant de se décider à commencer les travaux d'amélioration. « D'après ce que m'a dit votre cousine, expliqua le pasteur, je n'ai pas très bien compris quels étaient les changements que vous vouliez faire, et comme les autres directeurs ne l'ont pas compris davantage, j'ai pensé qu'il valait mieux me rendre compte sur place, bien que je sois certain, ajouta-t-il en regardant amicalement le jeune homme à travers ses lunettes, que personne, plus que vous, ne pouvait être compétent. Mais vous le savez, ce lieu est sacro-saint. J'espère, répondit Henri en harnais, qu'un petit peu d'air frais ne le profanera pas. » Tous deux marchèrent vers l'autre bout de la salle, tandis que le jeune architecte développait ses idées de réflexion au pasteur. Mr. Miles avait salué les deux jeunes filles avec son affabilité habituelle, mais d'un air distrait, et d'après les bribes de conversation qui arrivaient jusqu'à Charity, elle comprit qu'il était encore sous le charme de sa visite à Springfield, qui avait été pour lui un événement mondain d'une importance considérable. « Ah, les Cooperson, oui, vous les connaissez sans doute, » disait-il à Harney. « Quelle jolie vieille demeure. Et Ned Cooperson a réuni quelques tableaux de l'école impressionniste qui sont vraiment remarquables. » Les noms qu'il prononçait étaient incompréhensibles pour Charity. « Oui, oui, en effet, le quatuor chef Fair a joué samedi soir au Lyric Hall, » continua Mr. Miles. « Et lundi, j'ai eu le plaisir de l'entendre encore chez Mrs. Cooperson. Exécution admirable. Bach et Beethoven. Une réception d'abord. À propos, j'ai vu Miss Balch plusieurs fois. Elle est vraiment en beauté. » Charity laissa tomber son crayon et oublia d'écouter les titres chantonnés par Mamie Target. Pourquoi Mr. Miles nommait-il ainsi tout à coup Annabel Balch? Ah, vraiment? Répondit Harney d'un air indifférent. Il avança sa canne, il poursuivit. Voyez, mon plan est d'enlever ses casiers et d'ouvrir un œil de bœuf dans l'axe de celui du fronton. Je crois que Miss Balch a l'intention de passer quelques jours avec Miss Hatchard, continua Mr. Miles, qui suivait sa pensée. Puis, se souvenant brusquement pourquoi il était venu à la bibliothèque, il reprit. Oui, oui, je vois, je comprends. Cela donnera de l'air sans nuire à l'aspect de la salle. Non seulement je ne vois aucune objection à votre projet, mais je l'approuve. La conversation continua, et peu à peu les deux hommes, tout en marchant, se rapprochèrent du bureau de Charity. Mr. Miles s'arrêta et examina attentivement la jeune fille. « N'êtes-vous pas un peu palote, mon enfant? Trop de travail, peut-être? Mr. Harney me dit que vous et mamie, vous êtes en train de remanier de fond en comble la bibliothèque. » Mr. Miles n'oubliait jamais le nom de baptême de ses paroissiens. Et quand il nomma mamie Target, il lui jeta un regard bienveillant par-dessus ses lunettes. Puis, se tournant vers Charity, « Ne prenez pas tant les choses à cœur, Charity. Ne vous fatiguez pas trop. Et venez donc un de ces jours à Hepburn voir Mrs. Miles. » Il lui serra la main et fit un petit geste d'adieu à Mamie Target. Puis il sortit de la bibliothèque accompagné de Harney. Charity avait cru voir Harney un petit air gêné. Tout de suite, elle s'imagina qu'il ne voulait pas se trouver seul avec elle. Et avec une soudaine angoisse, elle se demanda s'il ne regrettait pas les paroles affectueuses qu'il lui avait dites la veille. Ses paroles avaient été plus fraternelles que tendres, mais la jeune fille avait perdu, dans la chaleur caressante de sa voix, leur sens exact. Harney lui avait fait sentir que le fait d'être une enfant abandonnée de la montagne n'était pour lui qu'une raison de plus de la serrer dans ses bras et d'apaiser ses sanglots en lui murmurant des mots de consolation. Il se souvint qu'au bout du voyage, quand elle descendit de la voiture, brisée de fatigue, glacée par le froid de la nuit et tremblante d'émotion, elle marchait comme si la terre avait été une mer lumineuse, se balançant sous ses pas. Pourquoi donc Harney avait-il soudain changé? Pourquoi avait-il quitté la bibliothèque avec Mr. Miles sans même s'excuser auprès d'elle de son absence au repas de midi? L'imagination inquiète de la jeune fille s'arrêta sur le nom d'Annabel Balch. Elle s'était figurée que le visage de Harney avait changé d'expression au moment où ce nom avait été prononcé. Annabel Balch avait été au Garden Party de Springfield, belle à ravir. Peut-être Mr. Miles causait-il avec elle, à l'heure où Charity Harney fuit en la pluie, était assis dans le taudis des Hayat entre un ivrogne et une vieille pauvresse démente. Charity ne savait pas exactement ce que pouvait être un garden party, mais la vision rapide qu'elle avait eue jadis des pelouses fleuries de Nettleton l'aidait à se représenter la scène et le souvenir des toilettes que Miss Balch portait à North Dormer et dont elle parlait comme de vieilles loques permettait à Charity de se figurer avec quelle élégance elle devait être mise dans le monde. Charity comprit quel souvenir agréable ce nom avait pu réveiller dans la pensée de Harney, et subitement, elle sentit l'inutilité d'une lutte par trop inégale contre de telles influences. Quand elle descendit de sa chambre pour le repas du soir, elle s'étonna de ne point percevoir Harney. Tout en attendant sur le perron, elle se souvint brusquement du ton ironique qu'avait eu Mr. Royal pour parler de leur départ matinal de la veille. Mr. Royal était assis près d'elle, sa chaise renversée en arrière, les pieds chaussés de gros souliers noirs à élastiques, appuyés contre la balustrade du perron. Ses cheveux gris mal peignés se dressaient au-dessus de son front comme la craie d'un oiseau irrité, et la peau tannée de ses joues était tachée de rouge. Charity savait que ces taches rouges étaient le signal d'une explosion de colère. En effet, tout à coup, il cria. « Quand allons-nous manger ? Verena a-t-elle encore manqué ses biscuits ?» Charity eut un regard effrayé. Elle osa pourtant dire « Elle attend sans doute l'arrivée de Mr. Harney. Monsieur Harney ne viendra pas. » Mr. Royal, se disant, se leva, marcha vers la porte et lança, en haussant la voix pour être entendu de la sourde, « Allons, allons, Verena. Le dîner !» Charity tremblait d'appréhension. Il était évident qu'il s'était passé quelque chose. Elle était sûre maintenant que Mr. Royal savait pourquoi Harney n'avait pas reparu à la Maison Rouge. Pour rien au monde, elle ne voulut lui montrer son inquiétude. Elle prit donc sa place habituelle, tandis que son tuteur, s'asseyant en face d'elle, se versait une grande tasse de thé avant de lui passer la théière. Verena apporta des œufs brouillés, il en remplit son assiette. « N'en prenez-vous pas ? » demanda-t-il à la jeune fille. Charity se ressaisit et se remit à manger. Le ton qu'avait pris Mr. Royal pour lui dire « Il ne viendra pas » lui sembla rempli d'une satisfaction menaçante. Elle eut l'intuition qu'il s'était mis tout à coup à haïr Lucius Harney et comprit qu'elle en était certainement la cause. Mais elle n'avait aucun moyen de découvrir si c'était un acte d'hostilité de Mr. Royal qui avait fait partir le jeune homme ou si tout simplement celui-ci désirait éviter de la revoir après leur excursion à la maison des Hayat. Tout le temps du repas, elle chercha à garder un air indifférent. Mais elle se doutait que Mr. Royal l'épiait sournoisement et que son agitation ne lui échappait pas. Après le dîner, elle regagna sa chambre. Bientôt, elle entendit Mr. Royal traverser le corridor pour aller s'installer de nouveau sur le perron. Elle s'assit sur son lit, luttant désespérément contre le désir de descendre et de lui demander ce que Harney était devenu. « J'aimerais mieux mourir que de le faire, » se disait-elle tout bas. D'un seul mot, pourtant, il aurait tiré de sa douloureuse incertitude, mais jamais elle ne consentirait à le lui demander. Elle se leva et s'appuya à la fenêtre. La nuit était venue. L'arc léger de la lune nouvelle était suspendu au ras des collines. À travers l'obscurité, elle aperçut un ou deux passants qui descendaient la route. Mais comme la soirée était trop fraîche pour qu'on en pût flâner, les rares promeneurs eurent bientôt regagné leur logis. Çà et là, maintenant, des fenêtres s'éclairaient. Un mince filet de lumière faisait éclater la blancheur d'un groupe de lys blancs dans le jardinet de la veuve Hose. Plus loin, la lampe à pétrole de Carrie Fry projetait un cercle de clarté sur la jardinière rustique posée au milieu de sa pelouse. Longtemps, la jeune fille, agitée, resta penchée à sa fenêtre, une fièvre d'inquiétude aux tempes. Enfin, elle gagna le couloir, prit son chapeau et sortit de la maison au coup de vent. Mr. Royal était toujours assis sur le perron. Verena, ses vieilles mains croisées sur sa jupe rapiécée, avait pris place à ses côtés. Quand Charity descendit les marches, Mr. Royal lui cria « Où allez-vous » Elle aurait pu répondre « Chez Orma Fry » ou « Chez les Targat ». Et l'une ou l'autre réponse aurait pu être vraie, car elle n'avait pas de but arrêté. Mais elle se déroba en silence, résolue à ne pas reconnaître le droit de Mr. Royal de la questionner. À la grille du jardin, elle s'arrêta, scrutant la rue à droite et à gauche. L'obscurité l'attirait. L'idée lui vint aussi de monter sur la colline et de s'enfoncer dans le bois de mélèze au-dessus de la prairie. Puis elle examina encore la rue d'un regard indécis. Comme elle regardait, la lueur d'une lampe apparut à travers les sapins qui masquaient la maison de Miss Hatchard. Lucius Harney était donc là. Il n'était pas retourné à Hepburn avec Mr. Miles, comme elle se l'était imaginé d'abord. Mais où avait-il dîné et qu'est-ce qui l'avait empêché de venir prendre ses repas, comme d'habitude, chez Mr. Royal? La lumière qui éclairait une des fenêtres de la maison Ratchard était une preuve certaine de la présence du jeune homme, car la femme de ménage n'était présente que le matin, afin de faire la chambre de Harney et préparer son café. Sans doute était-il, à ce moment même, assis devant sa lampe. Pour s'en assurer, Charity n'avait qu'à traverser la moitié du village et à frapper à la fenêtre éclairée. Elle hésita quelques instants, puis elle se dirigea vers la maison de Miss Hatchard. Elle marchait très vite, regardant à droite et à gauche afin d'éviter les rencontres possibles. À moitié chemin, elle traversa la rue en biais pour échapper à la clarté de la lampe de Carrie Fry. Toutes les fois qu'elle était malheureuse, elle se sentait seule, butée, contre un monde sans pitié. Alors un instinct de sauvagerie presque animale la possédait. La rue était vide. Elle passa sans être vue par la grille du jardin et suivit le sentier qui menait à la demeure de Miss Hatchard. La façade blanche apparaissait indistincte à travers les arbres, ne montrant qu'un petit rectangle de lumière à l'étage inférieur. Charity s'était imaginé que la lampe était dans le salon de Miss Hatchard. Mais en s'avançant, elle se rendit compte que la fenêtre éclairée se trouvait à un autre coin de la maison. Elle ne connaissait pas la pièce à laquelle appartenait cette fenêtre, et elle s'arrêta sous les arbres, prise d'une peur soudaine. Néanmoins, elle s'avança, marchant doucement sur le gazon, se tenant si près de la maison que la personne qui pouvait se trouver dans la pièce éclairée n'aurait pu la voir, au cas même, où elle aurait trahi sa pensée en faisant du bruit. La fenêtre s'ouvrait sur une étroite véranda surmontée d'un treillage couvert de clématite. Elle s'approcha tout près, écarta les branches de clématite et regarda. Elle aperçut un coin de la chambre, le pied d'un lit d'acajou, une gravure sur le mur, un lavabo sur lequel avait été jeté un essuie-main et l'extrémité de la table couverte d'un tapis vert sur lequel se trouvait la lampe. Une moitié de l'abat-jour était visible et juste sous cet abat-jour, deux mains fines et hâlées, l'une tenant un crayon et l'autre une règle, se mouvaient en des gestes lents et précis sur une planche à dessin. Le cœur de Charity bondit, puis cessa de battre. Harney était là. Et tandis que son âme à elle était ballottée sur une mer de douleur, elle le découvrait, assis tranquillement devant une planche à dessin. La vue de ses deux mains accomplissant leur besogne avec leur habileté, leur précision habituelle, la fit sortir de son rêve. Elle comprit tout à coup la disproportion entre l'angoisse qu'elle avait ressentie et la cause de son agitation. Elle était sur le point de se détourner de la fenêtre, honteuse et humiliée, quand brusquement, une des mains repoussa la planche, tandis que l'autre, d'un geste énervé, jetait au loin le crayon. Charity avait souvent remarqué le soin extrême que Harney avait de ses dessins, et le souci et la méthode avec lesquels il exécutait et terminait tous ses travaux. Ce geste impatient, par lequel il avait repoussé loin de lui la planche à dessin, paraissait révéler un nouvel état d'âme. Cela trahissait un découragement subit, ou un dégoût de son travail, et la jeune fille se demanda si lui aussi il était en proie de secrètes inquiétudes. L'impulsion qui la portait à fuir céda au besoin d'assouvir sa curiosité. Elle monta les deux marches de la véranda et plongea son regard anxieux dans la chambre. Harney avait posé ses coudes sur la table, le menton appuyé sur ses mains croisées. Il avait retiré son veston, son gilet, et déboutonné le col de sa chemise de flanelle. Elle remarqua les lignes vigoureuses de son jeune cou, les muscles souples qu'il reliait à la poitrine. Il regardait droit devant lui, les yeux fixes, un air de fatigue et de dégoût sur son visage. On eût dit qu'il contemplait dans un miroir invisible le reflet déformé de ses propres traits. Pendant un moment, Charity, immobile, l'épia avec une sorte de terreur. Il lui apparaissait comme un être inconnu, un étranger sous le masque de traits familiers. Enfin, détachant ses yeux du jeune homme, elle vit sur le parquet une valise à moitié ouverte et bourrée de vêtements. Elle comprit alors qu'il était en train de préparer son départ et qu'il avait probablement décidé de s'en aller sans la voir. Elle devina que cette décision, quelle qu'en fût la cause, le troublait profondément, et elle en conclut immédiatement que son changement de plan était dû à quelque intervention malveillante de Mr. Royal. Tous ses anciens ressentiments, toutes ses révoltes secrètes se ravivèrent, mêlées confusément à l'émotion qu'excitait la proximité de Harney. Quelques heures auparavant, Elle s'était sentie soutenue et consolée par l'amitié compatissante du jeune homme. Maintenant, elle se trouvait de nouveau seule dans la vie, et doublement seule après cet instant de sympathie partagée. Arne ignorait toujours sa présence. Immobile, le manteau appuyé sur les mains, il fixait toujours d'un œil morne le même endroit de la tenture. Il n'avait même pas eu l'énergie de terminer ses préparatifs. Les vêtements et les papiers gisant sur le parquet autour de la valise l'attestaient. Tout à coup, il dénoua ses mains, se levant brusquement, et Charity, dans la crainte d'être découverte, s'accroupit sur la marge de la véranda. La nuit était si obscure qu'il était peu probable qu'il parvint à la découvrir, à moins d'ouvrir la fenêtre, et encore, aurait-elle eu le temps de se dissimuler rapidement, sous l'ombre épaisse des arbres. Il resta debout quelques instants, regardant autour de lui avec la même expression de fatigue et de dégoût, comme s'il se méprisait lui-même, lui et tout ce qui l'entourait. Puis, il vint s'asseoir devant la table, tira encore quelques traits incertains, et posa de réchef son crayon. Enfin, il se leva, traversa la chambre, donnant en passant un coup de pirageur à la valise pour l'écarter de son chemin, et se jeta sur le lit, les bras repliés sous sa tête, fixant le plafond d'un air las et maussade. Combien de fois Charity l'avait-elle vu coucher ainsi près d'elle, sur l'herbe des prés, ou sur l'épais tapis des aiguilles des pins, les yeux fixés sur le ciel, le visage illuminé de plaisir comme par les taches de soleil que les branches faisaient bouger sur son front. Maintenant, ce visage était si changé qu'elle le reconnaissait à peine, et la douleur qu'elle ressentait de le voir ainsi désolé lui serrait la gorge. Des larmes jaillirent de ses yeux et coulèrent sur ses joues. Longtemps elle resta ainsi accroupie sur la marche, retenant son souffle, s'engourdissant dans une immobilité complète. Un mouvement de sa main, un léger coup sur la vitre, et elle se représentait le changement qui s'opérerait sur le visage de Harney. Dans toutes les veines de son jeune corps volontairement immobilisé, elle sentait déjà le frisson de la proximité désirée, et la chaleur de l'accueil des yeux et des lèvres de Harney, s'il lui devinait sa présence. Mais quelque chose l'empêchait de bouger. Ce n'était ni la peur du péché, ni la crainte de la médisance, elle n'avait jamais eu peur de sa vie. C'était simplement qu'elle venait subitement de comprendre ce qui arriverait si elle tentait d'entrer. C'était ce qui arrivait fatalement entre jeunes gens et jeunes filles, ce que Nordormer feignait publiquement d'ignorer et ce dont il ricanait en cachette. C'était ce que Miss Hatchard ignorait sans doute véritablement, mais ce que toutes les camarades de Charity avaient deviné avant même d'avoir quitté l'école. C'était ce qui était arrivé à Julia, la sœur de High House, ce qui l'avait fait partir à Nettleton, et ce qui faisait que depuis ce jour, personne ne prononçait plus jamais son nom. Bien entendu, ces histoires ne finissaient pas toujours d'une manière aussi sensationnelle que dans le cas de Julia House. D'autres dénouements, moins bruyants, n'en étaient peut-être que plus tragiques. Charity avait toujours soupçonné que le sort de Julia avait dû avoir ses compensations. Il y avait en effet d'autres fins, pires que celle-là. Triste dénouement, mesquin, misérable, inavoué ou inavouable, et d'autres vies qui continuaient, tristement, sans changement visible, toujours ligotées par l'hypocrisie impitoyable de la petite commune. Mais ce n'était point là les raisons qui la retenaient. Depuis la veille, elle avait compris le trouble profond qu'elle sentirait si Arne la prenait encore dans ses bras. Les mains se fondant l'une dans l'autre, la bouche brûlant la bouche, et la longue flamme la dévorant de la tête aux pieds. Un sentiment différent se mêlait à celui-ci. L'orgueil ému de la tendresse qui lui avait témoigné, la douceur étonnée que cette tendresse avait mise dans son cœur. Parfois, quand sa jeunesse flambait soudainement en elle, elle s'était vue cédant comme d'autres jeunes filles à de furtives caresses, dans le crépuscule, sous les haies. Mais elle ne pouvait pas se diminuer ainsi devant Harney. Elle ne savait pas pourquoi il voulait s'en aller. Mais puisqu'il s'en allait, elle sentait qu'elle ne devait rien faire pour défigurer la fière image qui l'emportait d'elle. S'il la voulait, il devait la chercher. Elle ne voulait pas qu'il la prît par une surprise d'essence, comme il en avait peut-être pris tant d'autres, comme une Julia House avait été prise. Aucun bruit ne venait du village endormi. Dans l'obscurité profonde du jardin, elle percevait de temps en temps un secret frémissement des branches, comme si quelque oiseau nocturne les frôlait. À un moment, des pas se firent entendre près de la grille. Elle se rejeta dans l'ombre, et le bruit se perdit au loin, laissant derrière lui un silence plus profond. Les yeux de Charity se tenaient toujours fixés sur le visage tourmenté de Harney. Elle sentait qu'elle ne pourrait point bouger tant qu'il ne ferait pas lui-même quelque mouvement. Cependant, elle commençait à s'engourdir dans son attitude gênée. et parfois ses pensées devenaient si vacillantes qu'elle se rendait compte qu'elle ne restait là que parce qu'elle était anéantie de faiblesse. Un temps dont elle perdit la notion se passa dans cette étrange veillée. Arnès gisait toujours sur le lit, sans mouvement, les yeux ouverts et immobiles, comme suivant sa vision jusqu'à son douloureux dénouement. Soudain, il bougea et changea légèrement d'attitude. Le cœur de Charity se mit à battre très fort. Mais le jeune homme ne fit qu'étendre ses bras pour retomber tout de suite dans la même attitude. Avec un profond soupir, il rejeta d'un mouvement de tête familier ses cheveux du front. Puis tout son corps se détendit, sa face se tourna de côté sur l'oreiller. Le sourire habituel revint sur ses lèvres, et l'air farouche disparut de son visage, laissant frais comme celui d'un enfant. Charity s'aperçut qu'il dormait. Elle se leva alors et s'enfuit.